Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin, encore une fois, le livre de l'Apocalypse, et nous sommes au chapitre 7. Notre Père du ciel, conduis-nous encore ce matin. Il y a tellement eu de discorde, de colère, de chicane sur l'interprétation de ces chapitres. Seigneur, ce n'est pas ça que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est que tu nous montres. Que voulais-tu nous dire par Jean? Que voulais-tu nous dire par cette vision que Jean a? Que voulais-tu qu'on apprenne qui va nous aider à persévérer? Qui va nous aider à nous repentir si nécessaire? Conduis-nous, conduis-nous par ton Esprit Saint. Nous disons humblement, nous avons besoin que tu nous conduises. Amen. Nous avons vu, à partir du chapitre 4, Dieu est digne d'intervenir. Nous avons vu au chapitre 5, Jésus est digne d'intervenir dans l'histoire du monde. Et là, au chapitre 6, on les voit intervenir. Il reçoit un livre qui est écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et nous avons vu que chaque sceau représente le contrôle de Dieu ou le contrôle du ciel sur la terre. Moi, mes frères et sœurs, si vous retenez cela, j'ai atteint mon but en tant qu'enseignant. Retenez seulement le ciel contrôle la terre, jamais, jamais l'inverse. La terre ne contrôle jamais le ciel, ni par ses prières, ni par sa folie. Le ciel contrôle la terre. C'est ce que je crois qu'il veut démontrer ici. L'ouverture des 7 sceaux. Et hier, nous avons vu, et avant hier, l'ouverture des 6 premiers sceaux. Entre le 6e sceau, qui marquait l'arrivée de la colère ultime de Dieu. Et là, l'auteur arrête à la fin du chapitre 6 et le 7e sceau va seulement au chapitre 8. Donc, il y a une interruption dans l'ouverture des sceaux et Jean a une vision, encore une fois, pendant qu'il est dans le ciel. Parce qu'il avait monté, vous savez, par la porte ouverte dans le ciel. Il a monté là, et il reste là depuis ce temps-là. Il y a des visions, il y a des songes, pas des songes, mais des apparitions, et il voit des choses. Et Dieu lui enseigne des vérités et qu'il doit transmettre à l'Église. Dans le chapitre 7, chapitre bien, bien discuté, il y a des livres écrits là-dessus. Donc, c'est pas nous autres en 20 minutes qui va régler tous les problèmes, n'est-ce pas? Mais encore une fois, je vous encourage, avant d'essayer d'interpréter chaque mot du texte, de voir l'ensemble du texte, l'image. Qu'est-ce que Jean voit? Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il entend? Et là, de regarder tout cela et dire, de se faire une idée de la pensée générale de la vision, et ensuite peut-être de vouloir aller dans les détails si on veut. Mais je vous mets en garde, soyez prudents, soyez très prudents quand vous vous approchez, vous essayez d'interpréter tous les petits détails de la vision. Vous allez probablement vous planter. Parce que je ne crois pas que c'était écrit pour qu'on voit, qu'on analyse chaque détail, mais qu'on voit, qu'on ait une vision puis qu'on soit impressionné par la vision. Dans ce chapitre, quand vous connaissez un peu l'Ancien Testament, si vous avez jamais remarqué, dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 9, vous avez quelque chose de très semblable ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Très, très semblable. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et après que j'aurai fini d'écouter la vidéo, vous pourrez aller voir Ézéchiel chapitre 9. Ou si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite et aller lire avant. Vous allez voir ce qui s'est passé là et ce qui se passe ici, c'est très semblable. Ça demande toutes les deux l'autorité de Dieu sur le monde dans lequel nous vivons. Mais nous allons lire à partir du verset 1, chapitre 7. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne souffrent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Donc Jean regarde et il voit quatre anges. Et ces quatre anges-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils retiennent les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc ils veulent empêcher, parce que le vent, souvent dans cette semaine, souvent dans les livres prophétiques de cette semaine, le vent est un signe de jugement. Et ici aussi, c'est un signe de jugement. Il dit, parce qu'il dit, retenez-les, et il dit au verset 3, afin de ne pas faire de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Donc, il dit, je veux que vous reteniez le jugement de Dieu jusqu'à un certain moment. Vous allez le retenir, ce jugement-là. Et ce jugement-là, vous allez l'apporter ou vous allez lâcher le vent le jour où on aura fini de marquer du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, il y a quelque chose qui empêche ce jugement-là d'arriver. Ça rejoint un peu ce qui avait été dit dans le chapitre 6 au sixième sceau, cinquième sceau. Quand est-ce que tu vas emmener la vengeance pour tes serviteurs? Quand le nombre sera complet, ensuite la colère de Dieu et de l'agneau va venir. Même vérité ici. Il dit, je veux pas que tu lâches le vent ou les vents des quatre coins de la terre jusqu'à temps que j'aie marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. C'est une façon d'identifier les croyants. Donc, Dieu veut que ceux qui sont marqués du sceau évitent ce jugement-là. Donc, peu importe comment on va interpréter le verset 4 et jusqu'au verset 8, peu importe c'est qui les 144 000, on les marque afin qu'ils évitent la colère de Dieu, le jugement de Dieu sur la terre. Et c'est tous les anges qui font ça. C'est tous les anges qui sont en train de faire ça. Et moi, je vous dis, il est important, si vous comprenez cela et vous êtes convaincu de cela, j'ai atteint mon but en tant qu'enseignant. Le ciel contrôle la terre. Ce n'est pas la terre qui contrôle le ciel par ses actions bonnes ou mauvaises, par ses prières bonnes ou mauvaises. C'est le ciel qui contrôle constamment la terre. Et ici, il dit, je ne veux pas que le jugement de Dieu atteigne mes serviteurs, donc laissez-moi le temps de marquer tous mes serviteurs. Quand j'aurai fini de marquer mes serviteurs, on lâchera les 80. Même chose que dans Ézéchiel chapitre 9. Le premier qui passe marque d'un sceau ceux qui adorent Dieu. Quand il a fini, les autres anges arrivent en arrière et font mourir tous ceux qui n'ont pas le sceau. C'est une façon d'identifier ceux qui appartiennent à Dieu et de faire de frapper ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Quel est donc ce sceau? Beaucoup n'en parlent, beaucoup s'obstinent là-dessus, encore une fois. Personnellement, je ne crois pas que c'est une marque visible pour les êtres humains le voient. Je ne pense pas. Et surtout si, comme je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui est le sceau de Dieu sur nous, si c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, on n'a pas besoin de le voir. L'important, frères et sœurs, ce n'est pas que les êtres humains le voient. C'est que on marque du sceau les serviteurs de Dieu afin que ceux qui vont emmener les jugements de Dieu sur la terre le voient. Vous allez voir que plus loin, on va voir que c'est les anges. En règle générale, c'est les anges qui amènent les jugements. C'est les anges qui sont les cavaliers. C'est les anges qui retiennent les 80. C'est les anges qui sont les serviteurs de Dieu qui vont emmener dans le monde des catastrophes et des difficultés. Et là, Jean entend le nombre de ceux qui doivent être marqués. Je ne vais pas rentrer ce matin dans un grand débat ici. Les 144 000, il y a deux façons de le voir. Première façon, il y en a qui disent que si c'est 12 000 juifs, hommes, qui vont être sauvés pendant le temps de les tribulations ou vers la fin des temps, et ces 12 000-là, il y en a 12 dans chaque tribu d'Israël, pour faire 144 000 juifs qui vont être sauvés à la fin des temps et qui vont œuvrer pour Dieu pendant le temps des tribulations et pendant le 1000 ans qui va être après. Donc, l'important, c'est qu'on croit que c'était des Juifs de sang, de la race juive. C'est une façon de voir les choses. L'autre façon, c'est ces 144 000-là est un chiffre symbolique, comme le multiple de 12, hein, les 12 tribus, le mot 12 dans l'Apocalypse et le mot 7, c'est des chiffres selon la pensée de plusieurs, symbolique, qui représente un ensemble de quelque chose, le tout de quelque chose. L'autre position, c'est que les 144 000 représentent tous les croyants qui ont été marqués du sceau de Dieu pendant le temps de l'Église. Donc Dieu, ce n'est pas des Juifs de sang, mais des Juifs spirituels. Comme l'auteur va dire plus loin, ils se disent juifs, mais ils ne sont pas juifs. C'est nous les vrais juifs. Il le dit dans les sept églises, puis il va le répéter plus loin. Et il y a deux ou trois autres passages en s'en allant qu'on va voir, qui m'amènent à prendre la position que les 144 000 ici, ce ne sont pas des juifs, mais c'est un langage de l'Ancien Testament pour identifier les gens de la Nouvelle Alliance. Vous avez remarqué, je vous l'avais dit au début, il y a 300 références à peu près à l'Ancien Testament dans l'Apocalypse. Et on emploie des termes de l'Ancien Testament, des images de l'Ancien Testament pour parler des vérités spirituelles dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu, c'était les 12 tribus d'Israël. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu, c'est Israël spirituel. C'est les Juifs spirituels, les Juifs qui ont adhéré au Messie, qui ont cru au Messie, qui ont été circoncis dans leur cœur, qui appartiennent à Dieu. Donc, c'est ce que je crois qui est le plus facile à comprendre. Et quand je vais passer sur les autres textes qui parlent de ces marqués-là, de ces hommes-là, ou ces gens-là qui ont reçu le sceau, Dans le chapitre, il me semble que c'est 9, et le chapitre 14, on va en parler de ces personnages-là. Et vous allez voir qu'il est impossible, selon ma compréhension, que ce soit juste 144 000 juifs, hommes, qui sont sauvés pendant le temps des tribulations pour faire une œuvre pour Dieu pendant ce temps-là. Selon moi, avec l'ensemble des trois textes, parce qu'avant cela, dans l'Ancienne Alliance, en tout cas, j'ai jamais vu de référence à 144 000 juifs dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, et ni dans le Nouveau Testament, ils n'ont aucune référence à ces 144 000-là juifs dans les Évangiles et dans les Épîtres. Donc, les 12 000 ici, de chaque tribu, représentent l'ensemble des croyants qui sont marqués du sceau de Dieu afin d'éviter la colère de Dieu, le jugement de Dieu sur le monde, la colère de Dieu et de l'agneau. Donc, il y a quelque chose qui est retenu, un jugement de Dieu, qui va faire mal à la terre et à la mer et aux arbres, qui va faire mal au monde dans lequel nous vivons, qui va juger le monde. Donc, on retient cela aussi longtemps qu'on n'a pas fini de marquer les serviteurs de Dieu. Pour moi, c'est important que on saisisse la vérité. Vérité que notre Père du ciel permet un paquet de choses qui peut arriver aux enfants de Dieu. Un paquet de tribulations et de persécutions. L'Église a souffert de tous les temps. Et Jésus a dit, ils vont vous traiter comme ils m'ont traité. Ils vont traiter les disciples de la même façon qu'ils ont traité le maître. Donc, c'est pas surprenant, c'est quasiment logique et compréhensible, et ça fait du sens que l'Église souffre à travers le temps, parce que le maître a souffert, le maître a été persécuté, le maître a été mis à mort par le monde dans lequel il vivait. Donc, c'est la même chose qui arrive à l'Église. Mais il y a une chose que l'Église ne va pas subir, c'est la colère de Dieu. Ça, c'est réservé à ceux qui n'ont pas la marque du sceau de Dieu. Vous savez, c'est comme ça fait penser un peu dans l'Ancien Testament, au temps de l'Égypte et du peuple d'Israël. Pendant un certain temps, je pense les trois ou quatre premiers fléaux, Israël et l'Égypte subissent les fléaux. Mais à un moment donné, je pense que c'est le quatrième ou le cinquième, Dieu met une séparation. Il y a juste l'Égypte qui subit les derniers fléaux. Israël est protégé. Vous savez, il y en a qui disent que l'Église ne peut pas être sur la terre pendant que Dieu va abattre sa colère sur le monde. Je ne vois pas pourquoi. Parce que Dieu peut faire abattre sa colère sur le monde, même si les chrétiens sont encore là. Même si les chrétiens sont encore là. Dieu est capable de le faire, il l'a déjà fait dans le passé tellement souvent. Noé, Lot, on pourrait en nommer, Dieu a protégé ses enfants comme il voulait, même quand sa colère s'abattait sur le monde entier. Donc, pour nous qui sommes ses enfants aujourd'hui, et pour l'Église qui a reçu les sept églises de l'Asie, Dieu n'a pas terminé de marquer du sceau ceux qui sont ses serviteurs. Mais qu'il ait fini, sa colère va s'abattre sur le monde qui nous fait souffrir. Notre Père du ciel, merci. Merci de nous révéler cette belle vérité. Merci de nous avoir marqués de ton sceau. Ton esprit nous a marqués. Et ceci nous identifie déjà aujourd'hui pour tes enfants. Et tous ceux qui reçoivent ce sceau, tous ceux qui reçoivent, qui sont marqués, peu importe comment on pourrait définir le sceau, tous ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, ne vont jamais subir la colère de Dieu. Donc, quel message pour l'Église, là? Repens-toi. Repens-toi si tu t'es détourné de moi. Si tu te repens, je vais te marquer de mon sceau et tu ne subiras pas ma colère. Mais si tu ne te repens pas, tu vas subir ma colère. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions. Amen.